Oui, voilà comment tu es. Avec tes racontes arrêtées calomnies, voilà 1000 francs que tu m'as fait rater. Mais si le bateau chavire en pâte, le retrouvera tes 1000 francs. Mais tu le sais aussi bien que moi qui va chavirer. Ouais. Tu as besoin de venir avec ton joli chapeau, là. Si je suis venu, c'est que j'ai quelque chose de très important à te dire. Mais qu'est-ce que c'est que tu vas me dire? Le facteur s'avance. Maître Panis! Tiens, vous êtes là, monsieur César? J'ai une lettre pour vous, ça vient de Macassar. Merci. C'est de Marius? Oui. Alors ce que j'ai à te dire, je te le dirai tout à l'heure. Je vais lire la lettre de mon fils. Mais tu peux pas la lire ici, cette lettre? Non, une lettre du petit, ça doit se lire à la maison. César sort et Panis le suit. Mais il reste sur le seuil de sa boutique pour assister au départ du bateau de M. Brun. Une foule joviale s'est déjà rassemblée pour assister au naufrage. Ça sera 10 fois, hein, M. Brun. Ça sera... Attention ! Le bateau s'éloigne du quai et se penche déjà sur tribord. Le chauffeur inquiet passe la moue autour de son cou.